Après, au vestiaire, là où il y a l'éléphant, là pour le côté, on s'est trouvé à mélanger des gars d'Alouer. Il y avait des trucs qui se sont trouvés en double. En double. Donc il a fallu s'appliquer. C'est là qu'il y a eu des licenciements. Ah bah oui. J'allais vous demander, est-ce que les syndicats étaient forts là dans Oui, mais il pouvait rien. Oui, parce qu'on peut vous dire, puisque vous parlez de ça, on a usé des top paires de godasses dans la ville de Nantes. D'ici la profiture. Oh là là. D'ici la profiture. Si on comptait le nombre de... Le jour d'heures de grève qu'on a fait. Parce que comme le pont de Bourdin n'était pas fait, on n'allait pas le pont d'Odine. Avant d'aller à la préfecture, on montait jusqu'à la place Grelin, parce que c'était plus court, pour aller à la préfecture et revenir par les bords de Loire. On partait à 9h30 des fois, et à midi, on n'était pas revenu encore là. Hein. Et il y en a qui arrêtaient dans tous les bistrots, j'avais encore de route en plus. Hein. Donc, mais à venir de là, hein, jusqu'à l'entrée là-bas, c'était que des halls. Là, il y avait la France, la P3. Systématiquement, il y avait un mouvement de grève tous les ans. Ah oui. Tous les ans, il y avait un mouvement de grève, c'est les accords d'entreprise. C'était tous les ans, avril, mai, ou un truc comme ça. Entre les deux, il y avait. Oui, tous les ans, on voyait les accords d'entreprise au niveau salaire, au niveau jour de congé, enfin, tout un tas de trucs, tous les ans. Alors, tous les ans, même si on débrouillait pas, on n'avait rien du tout. Alors, on débrouillait pour appuyer. Et une année, je sais pas, le directeur, il en avait ras-le-bol. Ils discutaient même plus au chantier. Ils étaient rendus à Neptune, là-bas, qui est rasé maintenant, d'ailleurs. Neptune en train de discuter. Puis il avait un train à prendre, un truc comme ça. Au dernier moment, il a dit oui à tout. Oh, putain, on a vu un accord d'entreprise, fin de caramine. On a vu 14% d'augmentation. On a vu des jours de congés supplémentaires et tout. C'est bien simple. Toutes les boîtes de Nantes, après, demandaient l'accord des chantiers. Ah, bah oui, mais le patronat nantais, le directeur s'était tapé dessus parce que par le patron, par les patronats. Je sais, il y a une année, on a débrouillé ici, à la préfecture, parce que De Gaulle a augmenté l'essence à plein. Bah, je veux dire, si on avait débrouillé encore à suivre, à chaque fois qu'ils ont demandé l'essence, on dormait tous les trois jours dans la rue. Hein. Parce que, De Gaulle augmente l'essence à plein. Allez, à la préfecture encore. Mais c'est vrai, il faut bien dire la terme. Hein. C'était pour des conneries. Mais. Ça fait plaisir quand même, faire grève. Hein. Bah non, parce qu'à la fin du mois, on s'en apercevait sur le bulletin de salaire. Parce que nous, même si on quittait un quart d'heure, alors en fait, des fois, on allait à 2h30, 3h à la préfecture, on revenait à 14h, on bossait un peu. Un beau jour, la direction, attention, toute journée de travail qui est interrompue ne sera plus payée après. Bon, ben moi je sais, je suis revenu à 4h dans la préfecture parce qu'on finissait à 6h30, et puis on est resté au chantier, et puis la paye, tiens, la direction avait dit, bon, vous êtes pas revenu, vous êtes revenu. Ah, c'est comme ça. Donc supprimé. Oh là là, merde, alors. Après, ils faisaient les débrayages à 14h30 pour. C'était vachement bien parce que quand les grèves étaient trop longues, le patron nous donnait un acompte. Ah oui, il peut les rembourser après, il n'y a pas de problème. Alors là, les mecs qui voulaient pas faire grève, on les voyait radiner pour avoir l'acompte. Alors c'était, il y avait des tensions, les jaunes, comme on l'appelle. Ceux qui faisaient pas grève, alors les jaunes. Ben. Ah, les jaunes, pourquoi les jaunes? Parce qu'ils faisaient pas grève. Ah ben non, parce qu'il y a des mecs qui n'ont jamais fait grève. Hein. Il y en a particulièrement le bœuf, tu connais le bœuf? Ouais. On l'appelait le bœuf, c'est son surnom. Parce qu'il s'appelle Oléro, mais il était vraiment tassé. C'est lui qui dépannait les groupes de soudure. Ben, jamais il fait la grève. Ben, pourquoi tu l'as fait pas? Parce que si vous avez quelque chose, moi je l'aurais quand même comme vous. Ah, oh, dégueulasse. Ah oui. Ben, il avait son coffre, son tiroir était barbouillé à peinture jaune. Il s'en foutait pas mal. Il dit, moi je viens quand même. Il y en a même qu'on dit, de toute façon, il faut qu'on fasse la paix sociale. Le patron nous augmentera sans problème. Et tu crois au Père Noël, toi, non? Si on fait pas grave, on n'aura pas un sou d'augmentation. Qu'est-ce que tu crois? Mais les jaunes, c'est pourquoi les jaunes? Les jaunes, parce qu'ils étaient en des anti-grévistes. Parce qu'on avait, disons, au niveau syndical, on avait on avait un bon pourcentage de syndiqués quand même. Et tout le monde n'était pas syndiqué, puis on forçait pas les mecs à faire la grève, hein. Ça pas du tout. Hein. Ouais. S'ils voulaient pas la faire, ils la faisaient pas. Hein. Non mais je disais pourquoi le terme jaune, pourquoi les. Ah jaune, pourquoi on l'appelait jaune? Il y a eu l'origine de ça, Il y a eu l'origine de ça, oui. L'origine, je crois que je l'ai su, mais je me rappelle pas. Ah, moi, on peut pas dire alors l'origine des jaunes. Quand on dit c'est une expression, un jaune, c'est un jaune. Peut-être c'est ça l'origine, mais il y a bien un cas vraiment, je crois que je me renseigne de ça. Tiens, on va trouver ça. Alors là, on est sur la cale où il y avait deux grues. Voilà, donc c'est deux cales. Ça, c'est l'ancêtre qui nous reste. Qui reste de la Loire, la cale 3. Le titan numéro 13. Non, la cale 2 et la cale 3. Vous aviez aussi des grues? Ah oui, là, des comme ça, il n'y en avait pas 22 ou 23 dans le chantier, là. Oui, parce que là, il y en avait deux, là. Il y en avait trois, le côté. Et pas comme celle-là. Ah, plus petite, hein. Mais en tant que on avait celle des titans. Oui, mais on les appelait des titans quand même. Il y en avait trois, le côté. Il y en avait trois autres, le côté. 3 et 3, 6, 6 et 2, 8 déjà. On avait au chantier de Bretagne des grues qui a fait la guerre 14, alors bon. Mais on, oui, bah, c'est vrai qu'on y arrivait quand même. Celle, la grand-mère qui était là, ça venait de Hambourg, ouais, en dommage de guerre, de la guerre 49, hein, qui nous avait donné une ici, puis une à chez Division, qu'ils ont découpé. Et quand ces grues-là, et puis la vieille grand-mère qui faisait 30 tonnes, sortait les blocs du machin qui était là, bah, la grand-mère a baissé de 60 cm avant que la pièce commence à sortir. On était à la limite de tout Corse. Ah oui. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait une grosse manœuvre comme ça, il fallait un électricien dans chaque grue. Avec le titanier. Mais je ne sais pas ce qu'on faisait là-dedans, mais en fait, après tout, ça faisait. C'est une autre association qui a cette cale-là. Non. Nous, on a celle-là. Ah oui, l'autre association. Ouais. De... Nous, on a celle-là. Alors. Ceux qui ne veulent pas. Oh, les corons encore. C'est qui casse ben, ça, c'est des cailloux. Ça, c'est des pièces. De la. Du hangar à bananes, qui se tortille la goule et qui viennent casser des trucs. Et ça, c'est quoi là-dedans? Bah, là, c'est comme à l'île de Nantes, ceux qui veulent sauver des vieux bateaux qui sont actuellement là-bas. Je vous avais prêté aux Antilles Tao, là-bas. Non, à Tao, ils sont là, à Tao, provisoirement. Là. D'accord. Non, c'est l'équipe de Nantes qui répare des vieux voiliers personnels là-bas. On les voit maintenant, ils vont revenir là, et c'est eux qui ont piqué ça. Bon, on aurait préféré avoir ça, mais enfin. Et de vous, on a créé trois nefs là, de vous là. Ouais. Et il y a quoi? Et vous faites quoi là? Trois, les trois là. Bon, on va faire un musée dedans d'outillage. Mais les coraux sont cassés. C'est tout, c'est ça, ouais. C'est cassé. Ça veut dire toujours en breton. Non, mais ils sont là. Rosetta, oui, mais non, là, Atao qui a fait la grue, la péniche, c'est un atelier d'insertion. Voilà. Insertion, oui, c'est des gars qui sortent de prison ou qui sont alcooliques ou n'importe quoi. Ils sont là après, Atao. Atao, et ils ont décidé de construire une péniche pour handicapés. Promener les handicapés sur l'herbe. Alors évidemment, faire une péniche, ils nous ont demandé à nous. Alors là, on a fait cette péniche, comme on dit, je vais peut-être être vulgaire, peut-être pas le dire, parce qu'on est enregistré, avec pratiquement, on n'a plus rien, on n'a absolument plus rien ici, il n'y avait rien. Ah oui. Alors, puis on va être vulgaire, on va dire, on n'a plus que notre bite et notre couteau, comme on dit, c'est tout ce qu'on avait. Hein. Il n'y avait plus rien, alors donc, l'EDF a donné le jus gratuitement, les groupes de soudure, c'est Indrette qui nous a donné, la tôle, c'est Saint-Nazaire qui nous en a donné, enfin bref. Et on a fait une péniche, qui s'appelle Cap Vert, vous pourrez la voir si vous voulez aller sur l'herbe. Et elle fonctionne toujours, elle balade tous les handicapés, tout pendant du mois d'avril au mois de septembre, elle balade les handicapés sur l'herbe. Ça, c'était les quatre de l'enfant, c'est là qu'il y a les bateaux à l'eau, ça, oui. Alors on était donc conditionné, nous, chantier de rivière, on était conditionné par la longueur. C'est pour ça que les cales sont en biais là. Ouais. Parce que là, si elles étaient perpendiculaires, comme la cale couverte, là, on a que 100 mètres de longueur, c'est tout. Alors que là, en étant en biais, on a réussi à vendre, enfin on pouvait pas aller plus long que 180 mètres. Celui qu'on a le plus grand bateau qu'on ait lancé ici, il faisait 180 mètres, on pouvait pas aller au-dessus. Alors évidemment, à Saint-Nazaire, il n'y a pas de problème. Hein. Les engins de lavage, ils ont un portique de 750 tonnes, qui est porté à 1000 tonnes, un truc comme ça. Puis ils n'ont pas de cale de lancement, ils en ont plus. Depuis la cale que le France a été lancée, il n'y a plus de cale à Saint-Nazaire, c'est des bassins, donc ils les construisent dans les bassins. Et quand ils sont construits, ils ouvrent les portes, et puis la flotte rentre. Puis flotte, c'est des nouvelles techniques, quoi, de construire. Ah, ben ça a toujours existé, cette technique-là, ça a toujours existé, mais il faut avoir le Saint-Nazaire, ça ne s'est pas fait tout seul, le Saint-Nazaire, ils ont investi à Saint-Nazaire. Beaucoup d'argent à une certaine époque. Justement, bah oui, bah, ils font des bateaux, bien sûr. Non, ils font des bateaux jusqu'à 300 mètres de long. Alors. Même plus de 300 mètres. Vous non, avez des contacts avec... Bah, Saint-Nazaire, oui, c'est-à-dire que je vais vous dire une chose. Moi, j'ai fini à Saint-Nazaire. Michel est parti avant, lui. Moi, j'ai fini à Saint-Nazaire. Bon, bah, s'il n'y avait pas le trajet à faire tous les jours, ils nous ont rien appris à Saint-Nazaire. On savait aussi bien qu'eux de faire les bateaux. On était même plus futés qu'eux, parce que avec les moyens qu'on avait, nous, on réussissait à les faire. Alors qu'eux, avec les moyens qu'ils avaient, par contre, eux, ils étaient, si vous voulez, Saint-Nazaire spécialisés. Spécialisés de Saint-Nazaire, ça a été les pétroliers, les super pétroliers de 500 000 tonnes. Bon. Après, il y a eu les méthaniers, ils ont été spécialisés dans les méthaniers. Et en 86, il y a eu la recrudescence des paquebots. C'est pour ça que depuis 86, ils font pratiquement que des paquebots. Mais nous, on faisait de tout ici. On a fait de tout, on faisait des cargos, on a fait des carferies, on a fait un paquebot pour les Russes, mais c'était le seul truc. On faisait tout ce qui se présentait au niveau construction. Le bateau était fait intégralement d'un bout à l'autre. Ah oui, intégralement, oui. Une fois qu'il était lancé, là, il allait le long du coin de la Bretagne, les quais d'armement étaient là, et il était armé après le long du quai, et quand il partait, il était fini. Donc il fallait tous les métiers. Et disons oui, et surtout il y avait surtout un truc qui était impératif, c'était la date de livraison. On avait intérêt à ce qu'il soit livré à la date, autrement les pénalités de retard, là, ça se chiffrait par des sommes colossales. Alors donc on avait intérêt à le livrer à la date. Est-ce que la direction appelait beaucoup le manque à gagner? Parce que toujours à la fin, quand on va te dire « Ah, il y a un manque à gagner », qu'est-ce que ça voulait dire? La direction avait pensé déjà qu'ils auraient peut-être 500 millions de bénéfices, mais ils n'en avaient que 400. Donc, le bateau a été lancé, mais il y a un manque à gagner de 100 millions. Ah, c'est ça le manque à gagner, hein? Pour eux, c'était ça, c'était pas une perte. Hein. On va pas aller au bout, de toute façon. Bon, voilà. On va tomber à l'eau. Ben là, on va les donner à cales qui sont restées. Hein. Ouais. On faisait des plus gros bateaux. Les deux cales qui restent, oui. La cale 2 et... Ah, quand le bateau avait le nez là-bas en hauteur, qui dépassait même le bout, et puis que l'arrière à marée haute touchait dans l'eau, ça faisait comme longueur, voilà, 160 mètres, 70 mètres. Quand il était lancé, à peine lancé, il fallait laisser une marge de 20 à 30 mètres à l'autre bout, et revint à 30 mètres à ce bout-là. C'est pour ça qu'il fallait le stopper et arriver dans l'eau. Si vous avez le temps, on pourra voir le film du lancement, c'est intéressant. Ouais. Bon, disons que oui, et le gars disons qu'on lançait à marée haute. Ouais. Et que la mer, la Loire soit étale, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de courant. 20 minutes. On avait que 20 minutes pour le lancer. Au moment que la marée monte, ça s'arrête. Et là, il y a 20 minutes pour le lancer. Ils mettaient des bruits. Et souvent, lorsque la bouée bougeait plus, souvent il était lancé, il s'en allait toujours un peu de retard. En rentrant à l'Europe, il s'en allait à descendre, souvent. Parce que les 20 minutes étaient vite passées pour le jour du lancement. Et ça vous est arrivé des fois de décaler, du coup, le jour du lancement? C'est arrivé qu'une fois, mais c'était des barges qu'on n'avait pas pu lancer. Autrement, tous les bâtons étaient lancés. Si, une fois, c'est sur le chantier de Bretagne, oui. Que la cale, d'un côté, c'est légèrement effondré. C'est là, ici, là. Oui. Alors, le bateau est parti comme ça, il se couchait. Alors, les gens qui étaient le long pour regarder, ils ont vu le bateau se coucher, ils disent ça y est. Si jamais c'était couché sur la cale, le chantier fermé. Hein. Mais l'arrière est rentré dans l'eau, ça l'a redressé. Il a fallu le découper parce que pour l'emmener. Enfin, là, oui. Le chantier fermé. Et arrivé dans l'eau, là, en rentrant dans l'eau, la flotte l'a redressé et il s'est redressé. Alors, ouf. On en parlait avec Yves-André, qui était là pour lancer là, quand il s'est couché. En fait, ce sont les deux machins de bois, du côté qui étaient les couettes, ils appellent ça, couettes, pour empêcher que le bateau bascule. Le bois était pourri, il n'était jamais changé, et par le poids, il avait commencé à coucher à la première. Parce qu'en plus, ces cales sont très vieilles, ça date de... Oui, parce qu'en dessous, c'est des puits en bois qui sont dans la Loire depuis 1900 et quelques, c'est pourri en dessous. Le pépin qui a eu, un bateau qui s'est assis sur le quai en face quand il était lancé, parce que vous verrez si vous venez voir le... Ah oui, j'ai des photos du lancement. Il y a un grand panneau à l'arrière du bateau, qui avait un grand panneau de bois, qui le freinait dès qu'il rentrait dans l'eau. Il s'est cassé. Et là, ce bateau-là, le panneau de bois a explosé. Donc le bateau a pas été freiné. Il a prêté freiné. Il s'est assis sur le quai en face. Tac. Il y a eu quelques tours là changés. Alors on a quelques photos de lancement, hein, et un bout à l'autre. Et pour une fois, ce bateau-là qui s'est assis sur le quai en face, moi j'ai tous les photos de ce côté-là et de l'autre que j'ai réussi à collectionner. Comme si les photographes, ils ne pouvaient pas être là puis en face au côté, avaient prévu d'avoir le lancement puis rentrer dans le quai. C'est ça qui est bizarre, parce que c'est le seul bateau. Alors par contre, ce qu'on a connu lors d'un lancement aussi, parce que c'était du suif qu'on mettait en. Il y a une savate qui était là, la savate, puis il y avait une glissière qui était accrochée au bateau, et il y avait entre les dents, on mettait du suif, pour faire que le bateau glisse. Et ce suif a été remplacé par de la graisse, une graisse spéciale. Il s'appelait du paragon. Par contre, moi j'ai vu du temps de la Bretagne, le bateau étant trop lourd sur le cale, quand il a été lancé, il a fait fondre le suif, et la cale a pris feu. Ouais. C'est bois sur bois. Mais le bois, vous savez, quand il rentre dans l'eau, l'arrière se soulève, mais le nez lui porte dessus. Il rentre sur la cale. Tout le bois sur bois. Il y avait des lances incendies de prévu. Ah, autrement, celui qui est en face, que vous voyez le maillet brisé, là. On a fait trois comme ça. Au chantier de Bretagne, chez nous. On en a fait trois comme ça. Et ça, c'est un musée. Ah oui, c'est un musée. Ben, c'est un de ceux qui a été conservé. Ça, ça fait partie de la Marine nationale leur a donné pour un français. Ça, c'est une association de Nantes aussi qui l'a acheté, qui en tape. Ils sont venus nous voir une fois. On peut le visiter, il n'y a pas de problème. Il est très bien. Nous, on a fait le cassard, le guéprat et le tortue. Voilà. Et moi, j'ai fait les essais avec les guéprats et les tortues. Quand je suis rentré au chantier, c'était le cassard. Mon premier boulot, ça a été de bosser sur le cassard. Ah, moi, j'avais bossé bien avant toi. J'avais fait X bateaux avant toi. Oui, c'est haut. Tu es rentré 4 ans. On faisait des bateaux à plein avant. Après, on en faisait un par an. Vous savez combien vous avez fait de bateaux? Ah oui, on sait, oui. Ça, dans nos archives. Il faudrait voir dans les archives, le bord. Ça pourra vous le dire, exactement. Il y a peut-être 100 plumes qui s'en occupent, là. Ouais. Le petit Louis, il a comme une cheveux. Vous êtes combien dans l'association? Oh, l'association. Je ne sais pas. Si, je dois savoir. C'est le trésorier adjoint, ça. On est 100 combien? Oui, attends. Au début, il y avait 400 personnes d'inscrites. Mais il y avait 250 qui payaient leur cotisation il y a quelques années. Quand il y a une réunion annuelle et moitié obligatoire, ils sont 75, 80 s'il y a impôt. Hein. Et puis, en fait, de moins en moins de monde parce que les gens disparaissent, vieillissent. Et puis, bon. Et disons, tous ceux qui sont partis en retraite de Saint-Nazaire, on les a pas vus ici. Quoi, ils sont jamais venus. Alors que vous les avez invités. Bah, c'est-à-dire que si on les invite, mais il y a une chose, ceux qui travaillaient ici, on a un esprit de comme si on était toujours ensemble, comme à l'école, je ne sais pas quoi, que Saint-Nazaire ou ailleurs, chacun s'en va en son coin, on ne se parle plus après. Et même ici, on n'a que des gars de Dubigeon, que de Chantenay, tout petit chantier, des gars de la Bretagne, des gars de la Loire en face. Il n'y en a pas un avec nous. Aucun de tous ceux que j'ai pu contacter, moi, je sais pas combien, mais j'ai fait bien non avec nous. Moi, retourner là pour voir mon chef qui était un con. Bah, j'ai dit, mais il n'y a plus de chef maintenant. Non, je ne voudrais pas. Parce qu'à la Loire, c'est des militaires un peu. Du fait qu'ils étaient enfermés, le chef avait, tu fais ci, tu fais ça. À la Loire, hein, dans les bureaux de destin où on est actuellement là.